Extrait du nouveau dictionnaire d'argot de bras de fer. La complainte des galériens. La chaîne, c'est la grêle, mais c'est égal, ça ne fait pas de mal. Nos habits sont écarlates, nous portons au lieu de chapeau, des bonnets et points de cravate, ça fait brosse pour les jabots. Nous aurions tort de nous plaindre, nous sommes des enfants gâtés, et c'est crainte de nous perdre que l'on nous tient enchaînés. Nous ferons de belles ouvrages, en paille ainsi qu'en coco, dont nous ferons étalage sans que nos boutiques paient d'impôts. Ceux qui visitent le bagne s'en vont jamais sans acheter. Avec ce produit de l'aubaine, nous nous arrosons le gosier. Quand vient l'heure de se bourrer le ventre, en avant les haricots. Ça n'est pas bon, mais ça entre, tout comme le meilleur fricot. Notre guignon eût été pire si, comme des jolis cadets, on nous eût fait raccourcir à l'abbaye de Montargret. Chanson. Air de l'heureux pilote. Travaillant d'ordinaire, la sorgue dans Pantin, dans maintes et maintes affaires, faisant très bon chapin. Ma jambe cambriole, redoublée de camelote, de la dalle au flaquet, je vivais sans disgrâce, sans regout ni morasse, sans taffet et sans regret. J'avais fait par comblance, giron de largué capet, soifant piqueton sans lance, pivois non maquillé, tirant passe la rousse, attache de gratousse, combrillon galuché, cheminant en bonderie, un jour à la courtille, je m'en étais enganté. En faisant nos gambades, un grand messière franc, voulant faire parade, serre un bog d'Orient. Après la gambriade, le filant sur l'estrade, dès brouffe, je l'estourbis. J'enflaque sa limace, son bog, ses frusques, ses passes, j'en fus au foyer. Par contretemps, ma largue, voulant se piquer d'honneur, craignant que je la nargue, moi qui ne suis pas taffeur. Pour gonfler ses valades, encasqué dans un rade, serre des signes à foison, on la crible à la grime. Je me la donne et m'esquive. Elle est paumée marron. Le quart d'œil lui jabote, mange sur tes meneurs, lui tire une carotte, lui montant la couleur. L'on vient, on me ligote, adieu ma cambriote, mon beau pieu, mes dardans, je monte la cigogne, on me gerbe à la grotte, au tape, et pour 12 ans. Ma larme ne sera plus gironde, je serai vioque aussi. Faudra pour plaire au monde, clinquant, frusque, maquis, tout passe dans la tigne, et quoi qu'on en jaspine, c'est un foutu flanchet, 12 longes de tirade, pour une rigolade, pour un moment d'attrait.